Chapitre 5e. Personne n'avait osé refermer le balcon où était tombé Mazzagrogna. Le cadavre gisait en une attitude ridicule et épouvantable, comme les rebelles, pour être plus libres, avaient laissé le pieu contre les barreaux. On apercevait le corps mutilé de Vincenzo Muro à travers les rideaux gonflés. Le soir était profond. Les étoiles scintillaient, comme avivées par le vent. Des chaumes brûlaient dans le lointain. En entendant les coups contre les portes, le duc d'Offena voulut encore tenter la destinée. Don Filippo, anéanti par la terreur, tenait ses yeux fermés. Il ne parlait plus. Carletto, la tête bandée, se recroquevillait dans un coin, claquait des dents, glacé par la fièvre et par la peur, suivant de ses pauvres yeux éperdus chaque pas, chaque geste, chaque mouvement de son père. Les serviteurs s'étaient presque tous réfugiés au grenier. Quelques-uns restaient dans les chambres voisines. Don Luigi les rassembla, les encouragea. Il les arma de pistolets et de fusils. Ensuite, il assigna à chacun un poste sous le rebord d'une fenêtre ou entre les persiennes d'un balcon. Chacun devait tirer sur la foule avec la plus grande célérité, en silence, sans s'exposer. « Allez !» Le feu commença. Le duc prévoyait la panique. Lui-même chargeait et déchargeait ses longs pistolets avec une merveilleuse vigueur, sans répit. Comme la horde était compacte, aucun des coups ne manquait son homme. Les imprécations des blessés, à chaque décharge, excitaient les valets et augmentaient leur ardeur. Déjà l'émeute se débandait, vidait la place, laissant à terre les blessés. Alors un cri de victoire partit de la valetaille. « Vive le duc d'Offena !» Les lâches s'enhardissaient, devenaient des héros, voyant l'ennemi lever le pied. Ils ne restaient plus cachés, ne tiraient plus à l'aveuglette, mais ils s'étaient dressés fièrement. Ils visaient, ils touchaient au but, et chaque fois qu'ils voyaient tomber leur homme, il lançait ce cri « Vive les lions rouges! Vive le duc !» En peu de temps, le palais fut délivré du siège. On entendait tout autour geindre les blessés. Les résidus des fagots brûlant encore par terre éclairaient un corps tordu, une mare de sang, le fer du nuage ou d'une faucille s'éteignait avec un dernier crépitement. Le vent avait augmenté et il tourmentait les êtres avec un grand bruit. Les aboiements des chiens se répandaient à travers toute la vallée. Enivré par la victoire, ruisselant de sueur, assoiffé, les valets descendirent pour faire ripaille. Tous étaient sains et saufs. Ils buvaient sans mesure, bruyamment. Chacun proclamait les noms de ceux qu'il avait frappés et décrivait leur façon de mordre la poussière avec des gestes burlesques. Les piqueurs employaient des termes de vénerie. Un cuisinier se vanta d'avoir tué le terrible Rocco Furci. Coloré par le vin, les fanfaronnades se multipliaient.